15h11 sur le 95FM, vous êtes bien à l'écoute du www.rqc.be, l'émission Rock the Nations en compagnie de Bruno. Et aujourd'hui nous avons nos invités spéciaux, il s'agit du groupe Noise Emission Control qui vont nous parler dans quelques minutes de leur dernier EP sorti l'année dernière, Désordre et Mépris. On a commencé l'émission avec un énorme classique, le deuxième album de Dio paru en juin 1984, The Last In Line, et le morceau d'ouverture, le fantastique Re-Rock. On a enchaîné avec la même année le premier album des Italiens de Q5, l'album s'appelle Still the Light, et encore une fois le morceau d'ouverture, que voulez-vous, j'adore ces morceaux d'ouverture, ça nous met direct dans l'ambiance, Missing in Action. Juste un instant, les Bordelais de Berserkers avec un extrait de leur dernier album Lock and Load, deuxième album pour les Bordelais, et c'était le morceau Blind Taste. On part dans le nord avec les Valenciennes de Rose, l'album Une Autre Vie, une réédition de l'album paru à l'époque sur le label Devil's Records, et on s'écoute le morceau Possession. étranger qui vient de nulle part et qui d'ailleurs arrive trop tard. Je suis un étranger qui vient de nulle part, qui erre un temps et qui repart. Voix de la mort, je n'éprouve aucun remords. Je dors, je veux changer de décor. Que le diable s'occupe de mon sort, qu'il prenne possession de mon corps. Je dors, je me réveille à moitié mort de faim. Je me lève à moitié mort de faim. Je m'écroule sans que c'est la fin. Mais je fixe avec douceur la dernière image de la vie. Je ne comprends pas, je suis mort, mais mon âme continue à vivre. Les démons tournent autour de mon cœur et je réalise ça. Satan m'a possédé. Je suis un étranger qui vient de nulle part et qui d'ailleurs arrive trop tard. Je suis un étranger qui vient de nulle part. J'ai deux décors. Le diable s'est occupé de mon sort. Il est entré dans mon corps. Je dors. Say Yes, fantastique, un groupe que j'adore, Raven en 1988, Nothing Exceeds Like Excess. C'est l'album, premier album avec le remplaçant de Waco, Joe Hasselwander, pardon. Et c'était le morceau Die for Allah, juste auparavant. Une autre vie, la réédition de l'album de Rose de 1986, à l'origine paru sur Devil's Records, avec le morceau Possession. Et en sachant que Rose organise son festival qui aura lieu donc au mois d'avril prochain, le 22 avril prochain, avec une affiche des plus alléchantes. Les Allemands de Bonfire seront en tête d'affiche en compagnie d'Océan, les Américains de Cage aussi, 7:30, Volt Rage et bien sûr Rose, les locaux qui seront également de la partie. Et à savoir que les Valenciennois de Rose seront en interview le 2 avril prochain à partir de 15h dans les locaux de Rock the Nations sur le www.rqc.be. Je peux souhaiter la bienvenue à nos invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bruno. Alors, Noisy Mission Control, donc, de gauche à droite, j'ai donc Danny, le guitariste, Fred, le chanteur, et Violent Dev, qui fait la basse et les backing vocals. Tout va bien, messieurs ? Merci. Merci de votre présence. C'est vraiment un énorme plaisir de vous recevoir sur RQC. Merci à toi, Bruno. Merci d'invitation, déjà. On va repartir en musique, et puis d'ici quelques minutes, on vous retrouve pour l'interview, et on va repartir avec l'album du mois qui n'est autre que Voivod, l'album Via Outer Limits. L'excellent. Oui, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais intervenir. Je présume que cet album fait partie de vos favoris. C'est clair. Alors, extrait de cet album, on va s'écouter la piste numéro 2, Moonbeam Rider. Yeah. We'll be right back. leaders of the pack. Shit Up avec un extrait de leur toute première démo 2017, un groupe qui se proclame digne héritier de Pantera, Rage, Snot, Danset ou encore en plus barré les Mr. Bungle. Et extrait de ce P3 titre, c'était le morceau Crazy Europe, Fuck Shit Up. Et bien elles seront en interview la semaine prochaine dans Rock the Nations à partir de 15h sur le www.rqc.be ou le 95FM Rock the Nations. C'est également sur Facebook avec l'intitulé Rock the Nations Radio Show, où n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page perso Bruno Iron Alford. Iron Alford en un seul mot s'il vous plaît, avec le I et le H. On va retrouver nos amis de Noise Emission Control parce que je leur ai demandé de ramener un peu de son, et bah ouais, je suis pas tout seul à passer de la bonne musique. Et vous avez choisi en premier choix Entombed AD avec l'album de 2014, un album qui s'appelle, s'il te plaît, tu vas pouvoir m'aider. Oh, s'il te plaît, le micro est branché, hein, sinon tu peux intervenir, Fred. Hein. Ok. C'est le morceau Kill to Live. Ouais, c'est Back to the Front. Back to the Front, et tu disais hors antenne Entombed comme Grave. Ouais. C'est deux de tes groupes favoris. Depuis le début. Depuis le début. Ouais. Et donc, convaincu par cette réincarnation d'Entombed de Heidi, featuring Lars Goran Petrov alone. Ouais, c'est différent, c'est plus du tout, c'est un petit peu différent du début, mais je trouve qu'il y a toujours la patte quand même, puis c'est bien suédoise, et moi ça me plaît vraiment. Et ce côté un peu rock'n'roll et un peu crade qui me plaît vraiment particulièrement. Et donc, extrait de cet album, tu as choisi le titre d'ouverture, ouais. Kill to Live. Juste après ça, vous retrouverez un extrait du EP des Noise Emission Control, Désordre et Mépris. Et là, on pourra commencer dignement l'interview. Allez, c'est parti, Entombed. We'll be right back. Yes, Hurler, c'est le titre d'ouverture du EP de Noise Emission Control. L'EP est sorti l'an dernier, s'appelle Désordre et Mépris, EP 5 titres, et en direct dans les studios de RQC, nos amis de Noise Emission Control, Danny, Fred et Dave, ouais. Respectivement, yeah, guitariste, salut. Chanteur et bassiste de Noise Emission Control. Je vous remercie encore de votre venue dans les studios, et puis on va attaquer tout de suite l'interview. Donc, un bref historique du groupe pour ceux qui ne connaissent pas Noise Emission Control, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes formés donc depuis 2006, avec l'envie de faire une musique énergique. On écoute beaucoup de choses, donc un petit peu un concentré de tout ce qui se passe dans le hard rock, dans le punk, le metal, etc. Donc, pas vraiment de directive, on travaille ensemble, on essaie de faire un truc plus ou moins original. Donc voilà, pas mal roulé notre boss depuis. On a sorti deux démos, premier album en 2012, autoproduit, puis ce nouvel EP, Désordre et Mépris. Voilà, au niveau concert, c'est vrai qu'on a beaucoup joué dans la région, on n'est pas trop sorti encore pour l'instant, on espère que ça va vite se réparer. On a eu la chance de faire même les gros fests du Nord-Pas-de-Calais. Hein. Le métal à la campagne, par exemple. Le métal à la campagne, Bétis Fest, Rem Fest, on a fait le métallurgical. Beaucoup de festivals, beaucoup de bonnes scènes, encore à la recherche de concerts aujourd'hui. Puis vous avez joué en Belgique? On a fait quelques dates, dans des quelques dates, les cafés, les bars aussi, tout près de en face de la gare, Louvière aussi, c'est vrai. À Louvière, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, on s'est pas beaucoup exporté en Belgique. C'est dommage d'ailleurs, mais ça peut se réparer. Hein. Ouais, complètement. On en reparlera hors antenne. Mm-hmm. On va revenir sur l'enregistrement de votre EP. Vous avez enregistré ça dans quelles conditions, sur quelle période de temps? Vas-y, je t'en prie. Non, David. En fait, on a enregistré ça chez les studios Cripcon avec Phil Reinalter. Psychron. Ouais. Psychron. L'enregistrement a duré une semaine. À peu près. Après, Phil s'est occupé du mixage, mettre tout à niveau. Et le mastering a été fait par Fred Mott, des studios, rappelle-moi Dani, Concrete, ouais. D'accord. Donc on en recherche chez lui. Phil Reinhalter de Putridophile. Ouais. Un film qui nous avait revu sur une date. Petite histoire pour le jeu, sur le JP Fest. Donc, qu'on connaît depuis très longtemps, des amis de 20 ans, on peut le dire. Et donc, il était venu là-haut au JP Fest et bon, il est complètement bloqué sur ce qu'on fait. Et il est venu nous voir juste après le set en disant j'aimerais bien vous enregistrer, etc. Bon, on était content de le revoir, on s'était pas vu depuis plusieurs années. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, on est parti, on l'a suivi. Il a vraiment, comment dire. Trouvé le. Ouais, il a ressenti vraiment ce qu'on fait. Enfin, il a fait un super boulot. C'est un peu comme un membre, c'est comme un membre du groupe, en fait. Il a vraiment ressenti la chose. Et ça s'est super bien passé. Ouais. Vous referez appel à lui certainement dans certainement, le futur. Certainement. Ah ouais, fortement. Ouais. Ouais. Je pense. Ouais, pour le prochain album, à mon avis, c'est lui qui sera aux manettes. Ouais. Alors, vous avez choisi 5 titres. Ce sont les meilleurs. Il y avait d'autres titres de prêt à être enregistrés ou à... On va dire oui et non. On va dire, on voulait vraiment sortir parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas sorti quelque chose depuis 2012. Depuis 2012. Donc on avait l'urgence en fait de vouloir sortir quelque chose d'assez, d'assez frontal, d'assez brut. Donc on s'est dit allez, on va. Enfin, on voulait vraiment se concentrer. On voulait pas avoir, tu sais, un laps de temps trop long. On voulait pas avoir 10-12 morceaux. On s'est dit allez, on va en prendre 6-7. Et puis après on va les choisir. On a pris 5. Donc après on est là pour l'instant. On est déjà dans l'objectif de recréer un album, donc voilà. Là, on avait 5 titres à faire, on les a fait, on les avait bien travaillés en amont, et on les a enregistrés avec Phil, voilà. Donc vous avez... vos prochains projets, c'est l'enregistrement d'un nouvel album, deuxième. Ouais, c'est ça, complètement. D'accord. Ouais. Concernant le packaging, qui a eu l'idée de sortir le réplica vinyle? C'est moi, non, c'est pas vrai. Non, c'est Daniel. Daniel qui, comme tout le monde qui le connaît, sait que c'est un grand féru de vinyle et de disque également. Donc il avait cette idée-là en tête. Et puis après, je te laisse un peu débriefer, mais c'est un peu ça. Hein. Bon, voilà, on a travaillé. Ben, déjà, on avait fait le clip avec Cédric et Rémi de My Old Plan pour le clip, donc le morceau titre, hein, Désordre et Mépris du EP. Voilà, donc moi j'avais en tête de faire ça comme un vinyle avec pochette intérieure, pareil sur le CD, hein, c'est un vinyle également, donc on a vu un petit peu avec eux pour la maquette, Cédric a fait les photos aussi pour l'inner sleeve, pour l'intérieur, la photo à l'arrière faite par Marc-Antoine Beuret, hein, une photo live. Puis voilà, donc on a mis des textes, on a fait vraiment un petit format vinyle, on aimerait bien même le sortir aussi. C'est la question que j'allais poser. C'est vrai vinyle. Donc, on aimerait sortir en vinyle, ouais. Peut-être pour l'album, là, on ne sait pas si ça va sortir en vinyle, on aimerait bien en tout cas, on y pense. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. On voulait quelque chose de frais, puis bon, de simple, avec Fred sur la couverture, hein, qui exprime bien... ce qu'il a envie de dire, sa colère, hurle à ses textes, hein, il hurle, voilà. Donc voilà pour la petite histoire, c'est tout simplement. Justement, en parlant des textes, donc on en parlait hors antenne, c'est pas ta première expérience avec le chant en français, puisque tu avais déjà testé ça avec Sor. Ouais. Tu as toujours beaucoup de choses à dire. Oui, entre autres. Et tu es toujours en colère, en 2017. Ouais, je me s'agis pas trop, ouais. Surtout avec ce qui va se passer en plus actuellement, là, les médias, les élections présidentielles passe, ouais. Qui font que forcément ça nous affecte tous. Donc c'est vrai qu'il y a des textes comme ça qui peuvent revendiquer comme des ordres et mépris. Il parle plus sur la religion, mais l'Empire, voilà, par exemple, l'Empire, c'est vraiment le titre revendicatif. Voilà, ça revendique à fond l'état d'esprit un peu punk. C'est vraiment le morceau le plus punk du EP. C'est le morceau le plus court également. Ouais. Je pense que voilà, c'est un pavé dans la mare, c'est une claque dans la gueule. Et puis c'est ce qu'on avait envie de faire. Et concernant le texte français, le style, ouais, ça c'est plus c'est peut-être le texte le plus comment dirais-je, le plus comique entre guillemets. Oui, voilà, je me fous un peu de la gueule des tendances. Des gens qui suivent des tendances et des modes, et je suis un peu pas révolté, c'est pas ça, mais ça me fait rire, ça me fait sourire. Une petite moquerie. Ouais, quoi, c'est une petite moquerie, hein, disons-nous. Ouais. Voilà, c'est le texte, je dirais, le plus comique par rapport à ce qui a été écrit. Mais ouais, c'est un exercice de style de chanter en français. Voilà, maintenant j'essaye de continuer dans cette voie-là, je trouve que c'est pas mal de chanter en français. Vaut mieux maîtriser une langue que chanter en anglais, de ne pas la maîtriser du tout, quoi. Mais ça va, enfin, tu maîtrisais quand même l'anglais. Ouais, oui, mais oui. De toute façon, il y a certains morceaux où tu chantes en anglais, et voir les deux, chanter français. C'est juste anglais, que moi, ça me fait mal aux oreilles d'être entendre des fois certains français qui chantent en anglais, et du coup, qui ont un accent qui n'est pas forcément. Voilà, bon, ouais. C'est pour ça. Donc, c'est un exercice de style qui perdure depuis, et puis voilà, j'aime bien chanter maintenant en français. On repart en musique, messieurs ? Carrément. C'est parti. Alors, on va repartir avec un morceau de Noise Emission Control, mais tout d'abord, tu as choisi le groupe parisien Fink avec l'ex-nourriteur Tanguy au chant. Tout à fait. Donc, tu nous as choisi un extrait de leur unique album, il me semble. Voilà. Ou je me trompe peut-être. S'il te plaît, je te donne le disque. Et c'est le morceau Le Serpent, oui. Donc tu peux nous en parler un peu plus de cet album. Ils ont sorti un très bon disque. Hein. Je veux dire, Tanguy, ça fait un petit moment maintenant qu'on correspond via Facebook. Hein, et donc on aimerait d'ailleurs jouer ensemble. J'espère que ça se fera un de ces quatre. Donc voilà, ils ont fait un super boulot. Un super album. La musique est excellente. On voit beaucoup d'influence. Hein. C'est des gens qui écoutent beaucoup de choses aussi. On garde l'éventail musicalement parlant. Voilà, c'est des passionnés qui la musique est très bonne, la prod est excellente et parfois, moi je recommande ce disque à tout le monde. Hein, voilà, si vous aimez le métal un peu froid, un peu puis qui cartonne, je veux dire c'est ça dépote bien. Ah, ça dépote bien. Non, c'est vraiment un très très bon disque, ce premier jet super. Donc n'hésitez pas à commander l'album de Fink, ça en vaut vraiment la peine. Eh bien écoutez, extrait de cet album sur le www.rqc, on s'écoute le morceau Le Serpent Fink. Yeah. l'Empire, Noise Emission Control, qui sont dans le studio pour la promotion de leur dernier EP, sorti l'an dernier, octobre, au mois d'octobre, EP 5 titres intitulé Désordre et Mépris. Donc on en parlait tout à l'heure, vous avez cumulé pas mal de dates, hein, notamment le métal à la campagne, et puis bien avant une participation métallurgicale, c'était l'affiche avec Meshuggah et Anthrax. C'est ça, exactement. Oui. C'était bien. J'étais pas, malheureusement. C'était très bien, on a été accueillis. Alors c'était super. On a passé vraiment un super moment, toutes les conditions, enfin c'était vraiment bien. Ouais, super souvenir, si c'était à refaire. On refait ça. Vous avez des dates prévues, notamment, je pense, au mois de novembre, il y a une belle date au Neurochéenne, avec Existence, je pense. Oui. D'autres dates, bien sûr, bien avant. Ouais, on a là, bientôt, là, le 25, on joue au Red Studio, avec la Dada Bovic. Donc le Red Studio, c'est à Douai. Hein, c'est à Douai, exact. La Dada Bovic qui fête leurs 10 ans, voilà, donc on joue pour eux ce soir-là, ils nous ont invités. Le 13 mai aussi, on joue à l'os au Petit Badeau, ça va être sympa aussi. Vous pouvez en retrouver aussi le 19 mai à Saint-Omer pour le Dreamer Fest, hein, aux côtés de Benighted. Benighted, ce sera le samedi, nous on y sera la veille. Hein, ah ouais, nous c'est le 19, le vendredi soir. Et puis le 4 novembre, comme tu as dit, à Neuilly-les-Mines. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter en 2017 pour Noise Emission Control? Des dates, et puis un album qui est en cours là. Les compos, elles sont prêtes? Vous êtes prêts à rentrer en studio, en fait? Non, là on est en train de travailler, hein, on a des morceaux sous le coude, mais pas assez. La composition, Et on est encore dans la composition, ouais. Dans la même veine que ce EP, Désordre et Mépris? Ouais, ça, c'est un peu, un peu l'idée qu'on avait de départ. Et comme disait Fred tout à l'heure, c'est vrai qu'on voulait déjà donner un petit aperçu de notre prochaine. Un premier jet, puis on s'aperçoit quand même que voilà, ça a l'air de prendre. La sauce, elle prend. Ça a l'air de, les morceaux, l'air de plaire, et puis ça nous fait plaisir. Et puis voilà, du coup, de continuer dans cette veine. Ouais, c'est bien. Voilà. Très bien, très bien. On n'a pas parlé, de vos influences. J'ai entendu à plusieurs reprises Danko Jones. Qu'en pensez-vous? Ça en fait partie. Ouais. C'est une des dernières découvertes pour nous tous, en fait, il y a quelques années. C'est quand pas. Une dernière découverte, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on l'écoute. Ouais, mais c'est pas comme Entombe ou Prong ou ce genre de. Ouais, non, ça fait un petit peu de temps. Non, mais bon, avec l'âge, on devient de plus en plus exigeant et les bonnes découvertes se font rares. Ouais, voilà. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Dans Code Jeune, c'est une des dernières grandes découvertes, ça a déjà 10 ans, mais bon, maintenant le marché est tellement saturé pour découvrir des grands noms. Donc je comprends, effectivement. Disons que Danko Jones, c'est quelqu'un qu'on a en commun au niveau de ce qu'on écoute, on va dire. On écoute des choses différentes, tous les quatre. Pardon. Et c'est vrai que, on va citer Danko Jones, parce que c'est vrai qu'on... C'est un des artistes à laquelle tous les quatre on écoute et qu'on apprécie particulièrement. Après, c'est vrai que tu vois ma pile de disques, tu vois celle de David, celle de Danny. Ah, moi, je que le Fink. On écoute toutes des choses différentes. Et justement, on en parlait avant de venir. Voilà, je vais me référer aussi à Daniel pour certaines choses que je ne maîtrise pas. Tu vois, beaucoup de rock US américain que je suis passé à côté parce que j'en écoutais pas. J'étais pas dans cette mouvance-là. Et c'est vrai qu'avec Daniel, c'est plutôt intéressant parce que justement, il va me faire écouter pas mal de choses. Donc ouais, c'est on prend un échange, on prend plein de choses qui nous intéressent et on fait nos émissions contrôle. Donc voilà, donc c'est un peu la particularité, c'est qu'on essaie d'être tous dans la même veine dans notre projet et d'avoir une finalité commune. C'est ça le plus important dans tous les cas. Alors vous êtes loin d'être des débutants, vous avez pas mal d'expérience dans la scène Nord-Pas-de-Calais, dans notre scène qui nous concerne. Qu'est-ce qui vous fait continuer en 2017 la musique? Réponse bateau, je me doute que l'amour comme doit y être. Comme toi dans la passion, dans la radio, voilà, la passion. La musique, hein, je crois que ça se résume à ça. La passion. Ouais. On peut pas s'arrêter. Ouais. Bah, c'est difficile en fait. C'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est vrai que je pense que toi c'est pareil. Le premier truc que tu fais le matin, c'est de mettre de la musique, quoi, dans n'importe quelle pièce. Exactement. Que ce soit. Tu vois et. Exactement. Ça ronge, hein, mine de rien. Mmh. Et c'est pour ça qu'on serait pas. Je pense pas qu'on serait capable de pouvoir nous arriver. Dans ses séparés, ouais. C'est elle qui nous emmène, hein, voilà. En fait. Nous avons donné aux âmes au rock'n'roll. Mais tout à fait. Et tous les Berry, et tous les gens qui nous écoutent. Tu penses à Chuck, pense à Chuck Berry. Ouais. Chuck Berry nous a quitté aujourd'hui ce matin. Grosse pensée même. Allez, Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, ouais, je l'ai pas, non, j'ai pas Johnny B. Goode, malheureusement. J'aurais pu choisir, on aurait pu s'écouter un Motorhead. Ouais, écoute, ouais, bon, on va s'écouter un petit Motorhead, je le sens quand même. Ouais, allez. Ouais, bien sûr, bien allez. Sûr. Qu'est-ce que j'allais dire ? Où peut-on trouver votre EP ? Où peut-on se le procurer ? Et est-ce que vous avez du merch également à disposition ? Voilà, c'est des t-shirts hein, que vous trouverez sur donc au merch hein, lors de nos concerts. Éventuellement par correspondance, hein, donc via la page Facebook ou l'adresse mail, noiseemissioncontrol@gmail.com. Donc pour toute commande, il n'y a pas de souci, on est derrière, on vous écoute. Tout est à disposition, l'album, le premier EP. Oui. Voilà, premier EP, différents t-shirts aussi. Et différents t-shirts. Eh bien, sachez-le, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de Noise Emission Control pour vous fournir en merchandising. Il y a tout ce qu'il faut, comme vous dites. Il y a tout ce qu'il faut. le mot de la fin ? Merci. Merci Bruno, le mot de la fin. Merci à tous ceux qui étaient à l'écoute. Suivez la scène locale et suivez les artistes qui peuvent. Voilà. J'ai oublié de vous poser une question peut-être. Non ? Vas-y, je t'écoute. Est-ce que j'ai oublié de vous poser une question ? Bruno, il ne nous a pas parlé de ça. Non. Bon, non, écoutez, voilà. Écoutez les radios locales aussi. Les groupes locaux, il se passe beaucoup de choses dans le Nord. Hein, écoutez RQC. Voilà, procurez-vous le Sound Like Hell. Hein, ils font du bon travail aussi pour tous les groupes régionaux. Ah, bonjour à Axel. Bonjour à Axel qui fait de l'excellent boulot. Exactement, la relève est assurée. Merci de nous avoir invités, Bruno. Et on espère que tes auditeurs de cette partie de la frontière prendront plaisir à nous écouter aussi. Eh bien, un grand merci encore à vous de votre présence. Sachez que l'émission sera en podcast, sera disponible en podcast dès ce soir, ouais. Si tout va bien, si je suis en forme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller faire un tour et à me poser des questions sur ma page perso Bruno Iron Alford. Iron Alford en un seul mot avec le I et le H, ou sur la page Facebook de Rock the Nations, l'intitulé Rock the Nations Radio Show. Troisième choix, c'est toi qui l'as choisi. Tu as choisi Prong. Prong aussi. Ben pareil, hein, c'est un truc qui nous touche tous les quatre. Encore un groupe qu'on a en commun. Qu'on a en commun, voilà. Et j'ai choisi le morceau éponyme de l'album Awakening. Exact. Album de 1996, c'est l'album d'avant la séparation, en fait. Ouais, c'est la première séparation. Eh bien, c'est parti. Encore un grand merci. Merci à toi, plein de bonnes choses pour la suite. Et puis à très bientôt à un concert. À très bientôt sur la scène. Allez, merci. C'est parti. Prong, Rude Awakening. Noisy Mission Control qui était en interview à l'instant sur le www.rqc.be ou le 95FM pour le EP, la promotion du EP Désordre et Mépris. Et c'était le morceau Désordre et Mépris. On part avec Motorhead puisque je n'ai pas de Chuck Berry. Eh bien quand même le lien est fait puisque il faut savoir que Lemmy était un énorme fan de Chuck Berry qu'il considérait comme étant un des trois créateurs du rock and roll avec Elvis Presley et puis une troisième personne dont je ne me rappelle plus. Ouais, Little Richard. Little Richard, ouais, je pense, hein. Merci Fred, tu peux parler au micro, les micros sont toujours branchés. Pardon. Et donc c'était pas prévu, mais bon, voilà, on va rendre quand même hommage par l'intermédiaire de Motorhead à ce grand monsieur qui nous a quitté ce matin, Chuck Berry, avec tu nous as ramené le Aftershock Tour Edition de Motorhead. Et tu n'as pas écouté le live, donc extrait pas du encore. Live enregistré aux États-Unis, West Coast Tour 2014, le morceau Damage Case. Yeah. Loyalty. Overlord, blackness reigns across the land. Down 16h33 sur le 95 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rock the Nations en compagnie de Bruno, ce jusqu'à 17h. Et à l'instant, les Canadiens de Infernal Majesty avec leur premier album sur le label Roadrunner, paru à la toute fin d'année 1987. Cet album s'appelle Non Shall Defy et c'était le morceau d'ouverture Overlord, juste auparavant. Suppuration, voilà qui ne nous rajeunit pas, en 1993, The Cube, l'album de la révélation et le morceau qui clôture cet album, The Dim Light. On reste en 1987, puisque juste à l'instant, c'était Infernal Majesty. La même année, Nasty Savage sort son deuxième album Indulgence et on s'écoute le morceau Stabbed in the Back. We'll be right back. Voilà, qui fit du bien, Secret Reich en 1987, le premier album pour le Quatuor de l'Arizona. L'album s'appelle Ignorance et c'était le morceau Victim of Demise. On part en Angleterre. Et oui, les Allemands et les Américains sont les rois du trash, mais il y a quand même des pays qui essayaient de tenir la dragée haute. Ça va, il parvient quand même plus ou moins. Si, c'est quand même un bon album. Le deuxième album, Dreamweaver, Reflections of Our Yesterdays, paru sur le label Noise au printemps 1989, extrait de cet album Do Dark Horses Dreams of Nightmares. 16h53 minutes sur le www.rqc.be, l'émission Rock Nations. On est ensemble pour quelques minutes encore, jusque 17h plus précisément. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de Rock Nations avec l'intitulé Rock Nations Radio Show. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma page perso, Bruno Iron Alford en un seul mot, avec le I et le H en majuscule, s'il vous plaît. À l'instant, nos amis de Dunkelnart, le dernier EP, en date, Rituals of the Occult, paru l'an dernier, et le morceau Rituals of the Occult, l'actualité pour Dunkelnart, flanqué de leur nouveau batteur, une tournée russe pour cette année et un tout nouvel EP intitulé Anthroposenia à paraître prochainement. Donc une actualité chargée pour Dunkelnart. God. Fear Factory à l'instant, 1992, le premier album produit par Colin Richardson sur le label Roadrunner, Soul of the New Machine, et le classique Martyr. Il est bientôt 17h, il est grand temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, un bon dimanche, et puis une bonne soirée, bonne semaine à vous encore, plein de bonnes choses. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dirait l'autre. Et on va finir en beauté avec une petite brutalité Exocrine. Vous commencez à bien connaître ce groupe. Signature du label Great Dane, leur dernier album en date, Ascension, et extrait de cet album et de premier chapitre appelé Exode. On s'écoute le morceau Cryogénisation. Bonne semaine encore à vous. Prenez soin de vous. À dimanche prochain avec les Fuck Shit Up en interview à partir de 15h sur le www.rqc.be. Bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao.